LSD, la série documentaire, un podcast France Culture. Il y a 36 ans que je suis emprisonné, sans avoir commis aucun crime. Pendant ces années, beaucoup de gens sont venus nous voir. Certains pour faire des photos, d'autres avec un point de vue littéraire, pour voir des gens différents. Plusieurs ont tourné des films. Hélas, jusqu'à aujourd'hui, ils nous ont tous trahis. Aucun n'a transmis ce que nous voulions et ce qu'ils avaient promis de montrer au monde. Et cela nous blessait, parce que les uns voulaient montrer de la compassion et les autres de la répulsion. Mais nous, on ne veut ni qu'on nous déteste, ni qu'on nous plaigne. Nous avons seulement besoin d'amour. Amour en tant que personne qui a eu une infortune, et non en tant que phénomène, une sorte différente d'homme. Parce que nous aussi, nous sommes des hommes qui avons les mêmes rêves. Nous ne voulons pas être classés dans quelque autre monde séparé. L'Ordre, Jean-Daniel Paulet, 1973. Handicap, la hiérarchie des vies, de Clément Salzar et Assia Khalid. Deuxième épisode, les murs érigés. Il faut vraiment avoir à l'idée que les personnes ont dit, et des personnes avec... Zig Blanquer, auteur de Nos existences en 10. Avec mon vécu, on est censé être institutionnalisé dès l'enfance. Donc placé dans des institutions ? Oui, tout à fait. Des institutions dites médico-sociales, en tout cas. Les hospitalisations en elles-mêmes, elles étaient plutôt... Eugénie, pensionnaire à la chaîne. Un peu violent, quoi de chose. Et puis, surtout les derniers secteurs que j'ai connus, en fait, tout le monde était mélangé. Et il n'y avait pas d'activité. Ça veut dire qu'on était dans une pièce entassée, avec un petit jardin, et en fait, bah, il se passe rien de la journée. Donc on fait que fumer et ruminer. Et on cachetonne, et sans parler, enfin, voilà. Enfin, moi, j'ai connu des activités où on nous collait à faire des coloriages toute la journée, et basta, quoi. Le gros problème, je pense, des patients, des fous, aujourd'hui, en France, des malades mentaux... Camille. C'est l'isolement, quoi. Militante anti-psy. J'en connais des gens dont la famille est loin, dont... Il n'y a pas vraiment pour les aider, mis à part l'institution. Et donc, ça donne le sentiment qu'il n'y a que ça pour vous aider, voyez. En France, on continue à... Elisa Rojas, avocate. À tourner autour de cette question en faisant comme s'il y avait un débat sur est-ce qu'il faut ou non placer les personnes handicapées en institution. Alors que sur le plan international et au regard des textes signés par la France, cette question est déjà réglée puisque l'ONU considère que c'est une privation de liberté et que c'est une atteinte aux droits des personnes handicapées. C'est comme si vous, demain, vous disiez que voilà, vous ne rentrez pas dans votre appartement mais vous allez vous dormir en EHPAD, comme ça, à partir de demain, sans demander votre avis, sans prendre en compte bah, quelle est votre vie, quels sont vos projets, quel est votre entourage, quoi. Et je pense que pour plein de personnes valides, il serait inconcevable de dormir en institution comme ça, quoi. Je suis en train d'essayer de brancher un maximum de petites machines sonores pour un atelier à l'IME du Centre Douaneau. Antoine Capé, cofondateur de Bruit Pop. Et notamment beaucoup de choses qui déforment les voix. Et parce que c'est un truc qui marche assez bien dans les ateliers et tout, de pas jouer avec sa voix naturelle et puis même de jouer avec cette dimension de répétition que souvent, qui caractérise souvent un peu de manière négative les autistes. Et nous, on joue vachement avec ça. C'est souvent même un moyen de, un peu de tirer des contacts, quoi. Un IME, c'est un institut médico-éducatif. C'est un centre un peu médico-social pour accueillir, en tout cas dans ce cadre-là, des jeunes adolescents autistes entre 14 et 20 ans. C'est un peu l'idée d'avoir le plus de matières premières pour improviser, parce qu'en fait, on ne sait jamais quel jeune va accrocher sur quel son et surtout sur quel geste musical. Et c'est vrai que j'aime bien, plus j'ai de richesse de propositions, plus je peux rebondir. Puis ça permet aussi de ne pas que tous les ateliers se ressemblent et que chaque son soit trop standardisé par rapport à l'atelier d'après, quoi. L'idée, c'est aussi justement de ne pas créer de routine. C'est vrai que souvent, les ateliers pour personnes autistes, on va des fois essayer de ritualiser un maximum l'atelier pour qu'il soit très régulier et contenant. Et moi, avec des intentions plus artistiques et aussi pour un peu sortir du cadre institutionnel, je vais au contraire des fois plutôt provoquer un peu un gentil bazar, quoi. Alors. Là, il y a encore des... Il y a encore des chaises. Loïc, tu veux t'asseoir ? Alors, tu veux voir ce qu'on fait avec cette lumière ? Ouais, mais regarde, fais-la passer là-dedans, dans le panneau solaire. Yes, est-ce que tu veux essayer ? Regarde. Regarde. Quand je fais essayer. Regarde, regarde. Ouais, mais tu veux, en fait, si tu appuies deux fois. Du coup ? U, combien ? Encore une fois. Combien, autrement. Et du coup, regarde. Je m'appelle Mood. Tu vois, regarde. Est-ce que vous avez, vous, un discours, un regard critique sur l'institution ou sur l'institutionnalisation ? Bah après, le truc, c'est que ce qui, en ce moment, est un peu compliqué dans ce genre d'institution, c'est qu'on a décidé récemment de faire de l'inclusion scolaire. Et du coup, théoriquement, ce genre d'institution est un peu en fin de vie. Il devrait presque plus y avoir d'institutions où les autistes sont dans des... hors du monde normal, quoi. Après, le fait est, c'est que on a fait ça, on fait ça aussi un peu rapidement, et c'est vrai que l'école, elle est pas toujours encore en capacité d'accueillir bien tous ces profils spécifiques. Et du coup, moi, je suis un peu partagé entre une forme de pragmatisme et un truc plus éthique de principe. Je pense que c'est une erreur sociétale que de mettre les handicapés juste entre eux dans des institutions. Mais dans les faits, c'est aussi des besoins très particuliers qui demandent des conditions d'accueil, d'accompagnement que pour l'instant l'école n'est pas en capacité de produire. Et c'est que pour l'instant, il y a un glissement de l'institution à l'école, mais sans en donner les moyens qu'on a dans l'institution. C'est aussi, il y a quand même aussi l'économie budgétaire dedans. Pas assez de moyens matériels, pas assez de moyens humains qui sont mis en place pour que justement cette transition de l'institution à... Pour le faire bien, à... ouais, je pense, ouais. Ouais. Bonjour monsieur Bin... Bonjour madame Bintou, vous êtes... Vous êtes ici pour, pour l'antenne d'RTL, vous êtes ici aujourd'hui, c'est bien ça. Qu'est-ce que vous faites dans la vie, Bin... Bonjour Biram, vous êtes bien dans l'émission, ça peut vous arriver, merci. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Papa! Papa, maman! Monsieur Boulot, qu'est-ce que vous faites dans la vie? À vous, pauvre excusez, est-ce que vous êtes venu au bout de l'entrée, au bout de cette intervention? Qu'est-ce que vous faites dans la vie, monsieur? Bah, ça passe bien, ça passe bien. Oui. Lorsque sur la quantité de toutes les raisons de différentes variétés de voyageurs, nous rappelons que la quantité est en ce plus entre le pont du Galliano et la porte de Vincennes. Je rappelle pont du Galliano pour Vincennes, si. Mesdames et messieurs, votre attention, s'il vous plaît. Le trafic sera interrompu entre la défense, Grand d'Arche et Château de Vincennes. Je répète, la défense et Château de Vincennes. Début 2022, une enquête conjointe du journal suisse Le Temps et du site d'information ID News faisait état de maltraitances répétées envers des enfants autistes dans un foyer spécialisé Genevois. Je cite, privation de nourriture, enfermement, enfants projetés au sol, laissés dans leurs excréments ou encore traînés d'une pièce à l'autre par leurs vêtements. En France, Mediapart révélait en avril 2021 qu'un institut spécialisé des Hauts-de-Seine, où sont scolarisés ou accompagnés 200 enfants sourds et handicapés psychiques, avait fait l'objet de plusieurs signalements au cours de l'année passée, de la part de parents et de soignants, concernant de la maltraitance psychologique, des abus de pouvoir et de graves manquements en termes de dispositifs de soins, d'éducation ou encore d'interprétariat. Alors donc on est le 2 septembre 2021 et donc c'est votre compte Twitter Elisa Rojas, donc @Elisa Rojas, et vous dites bonne rentrée à tous les enfants handicapés qui malheureusement pour beaucoup seront encore sacrifiés cette année comme les années précédentes dans un pays qui n'a que faire de leurs droits, de leurs intérêts et de leur bien-être. Ce tweet de rentrée, je pourrais le faire à chaque rentrée hein, sans modifier beaucoup de choses malheureusement, parce que ça me met en colère de savoir qu'il y a des enfants handicapés qui vivent en école ordinaire une expérience qui n'est pas si éloignée de celle que j'ai vécue, alors que je suis quand même un petit peu âgée maintenant, et que les progrès, il y a eu des choses nouvelles qui ont été mises en place, mais qui en réalité ne sont pas suffisamment financées et pas suffisamment bien pensées, et que ça reste extrêmement difficile pour les enfants handicapés aujourd'hui de trouver leur place en école ordinaire et de pouvoir étudier dans des conditions qui soient satisfaisantes. Parce que vous, justement, vous avez été scolarisée en milieu ordinaire à partir du CM. Oui, en fait, j'ai fait quasiment toute ma primaire en établissement spécialisé. Donc de mon arrivée en France à 2 ans jusqu'à 9-10 ans, puisque j'ai quitté l'établissement spécialisé dans lequel j'étais scolarisée pour être parachutée dans une classe de CM1 au milieu ordinaire de mon quartier en cours d'année de CM1 en fait. Parmi les facteurs qui ont concouru au fait que moi je sois placée en institution, il y avait le fait que quand mes parents sont arrivés en France, ils ne parlaient pas français. Ils ne connaissaient pas du tout les arcanes administratives de la France et que donc ils ont été conseillés par des gens qui considéraient que c'était la seule option et que le temps que ma mère comprenne et maîtrise suffisamment la langue française pour pouvoir faire les démarches nécessaires à ma sortie de l'institution, voilà, ça a pris un certain temps. Et c'est vous qui avez voulu sortir aussi de l'institution ? Oui, c'était très important pour moi de sortir de l'institution parce que je m'y sentais mal, parce qu'il était clair qu'il n'y avait pas de perspective d'avenir, que notre scolarité était totalement laissée pour compte, qu'on était considérés comme des objets de soins. Donc j'ai insisté auprès de ma mère pour qu'elle fasse ce qui était nécessaire pour qu'on puisse me scolariser en milieu ordinaire, parce que je savais qu'il existait des écoles d'enfants valide et que je comprenais pas pourquoi nous on était tous réunis au même endroit et séparés d'eux. Our love's a complex vintage wine, all rotted leaves and lemon rind. I spit you out, but now you're mine. Est-ce que, Sig Blanquer, vous avez déjà craint d'être justement dans l'une de ces institutions? Je l'étais quand j'étais gamin. De mes 6 ans et demi à mes 8 ans et demi, quelque chose comme ça. Honnêtement, c'était un enfer, en fait. J'ai eu je ne sais pas quelle chance. Des vagues souvenirs que j'en ai, apparemment, le directeur de l'institution avait dit à mes parents que j'étais en dépression infantile et qu'il fallait me retirer de ce lieu-là. Après, voilà, la dépression dite infantile, elle était, à mon avis, complètement liée à l'enceinte et au quotidien très rude. Et j'y suis jamais retournée. Après, c'est une pensée qui est perpétuelle, en fait. Je vous mentionnais l'exemple de l'EHPAD. J'imagine que vous, si vous pensez à un EHPAD, vous y pensez pendant, je ne sais pas, 30, 40 ans. Mais vous ne vous dites pas, peut-être que la semaine prochaine, je vais être contraint d'être institutionnalisé. Moi, c'est une frayeur qui est toujours présente, en fait. Pour plein de personnes valides, ce serait inconcevable de dormir en institution comme ça, quoi. Et d'y passer sa vie. Ouais, si on peut appeler ça une vie dans ce cas-là, quoi. C'est manger, dormir et prétendre faire des activités, mais qui sont des activités occupationnelles, qui ne sont pas des projets de vie, des choix. Le potentiel de rencontre est aussi très cloisonné dans ces institutions. Du coup, c'est du mort-vivant, quoi. Je veux dire, l'institution, tout est fait pour vous garder en vie, mais sans aucun... Alors, je ne vais pas dire horizon de liberté, parce que la liberté, pareil, c'est rapidement galvaudé comme terme, mais en tout cas, il y a très peu de spontanéité. Alors, c'est vrai qu'on en parle beaucoup en France avec tout ce qui est au travers du prisme des sexualités, des intimités. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui questionne, à mon avis, en premier lieu, la plupart des personnes institutionnalisées, quoi. Si vous rencontrez quelqu'un et que vous avez envie le soir d'aller boire un coup avec la personne, il y a de fortes chances qu'il faille demander une autorisation pour sortir, pour à quelle heure rentrer. Et ça peut être refusé également, quoi. En 2016 et 2017, la rapporteuse de l'ONU, Catalina Devandas Aguilar, visite la France en vue de vérifier que sa politique respecte ses engagements internationaux en matière de droits des personnes handicapées. Dans son rapport final publié en 2017, elle dénonce la loi de 2005 comme non conforme à la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées et demande à ce qu'elle soit revue dans son intégralité. Parmi les éléments pointés du doigt, le fait que la France préfère préconiser une amélioration des institutions spécialisées plutôt que leur fermeture définitive. Elle rappelle que les institutions sont des lieux de privation de liberté, qu'elles isolent et ségrèguent les personnes, les privent de la possibilité de décider par elles-mêmes dans la vie de tous les jours, les empêchent de choisir les personnes avec qui elles vivent, imposent un emploi du temps et des habitudes. Alors, c'est très difficile à décrire la vie en institution pour les gens qui n'y ont jamais mis les pieds, parce que c'est quand même une expérience de ségrégation, en fait. C'est une expérience d'humiliation, d'abus de toutes sortes. Et il est évident que pour moi, il n'y avait pas d'autre choix que d'en sortir si j'avais envie de faire des études, d'avoir un métier. Et puis j'en avais assez de vivre la violence qu'est l'institution, tout simplement. Parce qu'il y a de la violence à la fois entre les encadrants et les résidents. Parce que c'est un milieu qui fonctionne en vase clos, en fait. Et où le personnel médical et médico-social a quand même un grand pouvoir. Et il y a une violence aussi entre les résidents, qui est due au fait que l'enfermement, ça fait du bien à personne, que ça crée des tensions, et que entre les résidents, et ben ça devient comme dans tous les lieux d'enfermement, c'est-à-dire ça devient la loi du plus fort, en fait. Ce sont ceux qui peuvent s'imposer le plus, qui prennent le contrôle des choses. Toutes les dynamiques de pouvoir qui existent en dehors se retrouvent à l'intérieur de l'institution, c'est exactement ça. ce sont les violences de genre, ce sont les violences évidemment en fonction aussi de votre degré d'autonomie, de dépendance, de handicap, voilà, plus moins vous avez accès à la parole orale, plus il y a de chances que vous soyez moins bien traité, parce que de toute façon tout est organisé de façon à ce que ce soit très difficile de savoir ce qui s'y passe, en fait. Il n'y a pas de contrôle extérieur inopiné, régulier, fréquent. S'il y a des choses graves qui s'y passent, ceux qui sont supposés les dénoncer et sonner l'alerte sont ceux qui sont également susceptibles d'être eux-mêmes les auteurs de ces violences. Il m'a fallu énormément de temps pour comprendre que j'avais subi du harcèlement sexuel et des violences de genre. Très tôt en plus dans ma vie, il m'a fallu beaucoup de temps puisque je ne me considérais pas, pendant toute une période de ma vie, comme une femme susceptible de pouvoir être victime de ce type d'abus, en fait. Donc il a fallu que je réalise qu'en réalité, sur ce plan-là, j'avais été traitée comme toutes les femmes le sont, et même encore plus mise en danger parce que j'étais dans un contexte où tout permettait d'agir dans l'impunité, en fait. Moi, je vis dans la peur de l'incarcération. C'est Jung, écrivaine. Je suis une femme, je suis handicapée. Depuis que je suis toute petite, j'avais ma place qui était réservée dans une institution. J'ai 58 ans. 50 ans après, moi, j'ai toujours peur. J'ai peur de l'État, j'ai peur de l'incarcération, j'ai peur que l'on m'empêche. L'action T4, Tiergartenstrasse 4, en référence à l'adresse où se trouvait à Berlin l'administration nazie, est le nom de la vaste entreprise de mise à mort qui préfigure l'extermination systématique des Juifs. Le programme dit d'euthanasie du régime national-socialiste. De 1939 à 1943, entre 100 et 200 000 personnes catégorisées comme handicapées physiques et mentaux sont arrachées à leurs asiles et instituts pour être envoyées dans des centres spécialisés ou des camps où elles sont gazées et incinérées. Ce programme a rencontré peu d'opposition dans la population allemande, tant la propagande du Troisième Reich était efficace. Elle qualifiait alors les personnes handicapées de bouches inutiles, de poids mort de l'économie, de vie indigne d'être vécue. Emil Kraepelin, mort en 1926, considéré comme l'un des pères de la psychiatrie moderne, déclaré quant à lui rituellement à ses étudiants « Méfions-nous, méfiez-vous, jeunes médecins qui m'écoutez. Le fou est dangereux et le restera jusqu'à sa mort, qui malheureusement n'arrive jamais rapidement. » Il va cailler. Déjà qu'il caille. Madame, voyez, il y a un insert, quelqu'un qui a pété à vitre. Mais ça marche pas ? Ben non, ça marche pas. La vitre a été cassée, on sait pas par qui. Alors, on leur a dit si on pouvait faire un feu sans la vitre, c'est pas possible, c'est dangereux. Vous voyez, la cheminée, il faut pas que ça prenne feu après. On était bien avec le feu, on était bien. On joue au tarot, on doit assumer. Ça fait combien de temps que c'est cassé ? Ah bah, je sais pas, trop de monde. Ah oui. Ah, on ne sait pas si on remettre une vitre à Noël. On ne sait pas si on en refera ou pas. Bah, écoutez, il y a le bar, il y a les boissons chaudes. Vous vous appelez comment ? Christine. Enchantée, Clémence. Clémence, enchantée. J'ai été hospitalisée, je vais retourner à l'hôpital de jour, j'ai un appartement à bord, je vais retourner chez moi. On vient, tout l'hôpital de jour vient tous les jours jusqu'à 4 heures. On a des contrats, des activités. Moi, je vais bientôt repartir en hôpital de jour. Bah, j'ai une bonne nouvelle. Vous êtes contente ? Oh, bah oui, je suis contente. J'ai un rendez-vous avec Mme Verdon, docteur Verdon, c'est le médecin de l'hôpital de jour. Puis j'ai mon médecin, le docteur Place, médecin traitant. Et puis il y a M. Gallet, qui est généraliste, qui vient tous les jeudis. Il y a quelque chose à faire, c'est un problème de santé. Et ça fait combien de temps que vous êtes à la chaînée ? Ça fait longtemps, j'ai fait des allées, j'ai travaillé, je suis revenue, mais j'ai travaillé en ma vie. J'ai 65 ans et ça va pas trop mal. Vous voyez, là, on fait des fêtes, il y a des concerts, on met les chaises comme ça. Et ça, ce bois-ci, ça a été classé monument historique. Vous aimez bien ce lieu-là? Oh, bah, on joue un peu de piano. Il y a un médecin, il y a quatre personnes, il y a trois personnes qui sont virtuoses. Moi, j'ai fait du solfège, je ne suis pas très... Mais il y a un M. Poignant qui joue très bien le piano. Docteur Poignant. Bah, je vous laisse. Au revoir, madame. Au revoir, merci. Le Boissier, c'est le bâtiment qui est mis à disposition par la clinique pour le club thérapeutique. Jean Gaillot, moniteur à la clinique de la Chenille. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est un lieu de passage parce qu'à l'étage, il y a la télé, par exemple. Il y a une table où il y a les journaux. Donc c'est des journaux qui sont achetés par le club, qui sont mis à disposition pour tous. Et ici, au rez-de-chaussée, il y a ce qu'on appelle le bar. C'est des pensionnaires qui tiennent les permanences du bar. Donc le bar, il est ouvert de 11h30 à 14h et de 19h à 20h. Donc, le club thérapeutique, c'est une association loi 1901, indépendante de la clinique. Les clubs thérapeutiques, historiquement, ont été créés pour permettre d'éviter les empêchements administratifs que pouvait avoir un hôpital. Que ce soit pour une sortie à l'extérieur, un atelier, etc. Mais également, ça ouvre un énorme espace de citoyenneté pour les soignés, comme pour les soignants d'ailleurs. Et c'est un espace de citoyenneté qui est souvent retiré aux gens qui sont malades. Outre les idées reçues et l'ostracisme, ils ont eux-mêmes aussi du mal à investir justement ces lieux de citoyenneté qui existent dans la cité, quoi. Et cet espace est vraiment très très important parce qu'il est paritaire, il est ouvert à tout le monde dans la clinique, et tout le monde peut y proposer des choses et venir justement... débattre de ces choses, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord, qu'est-ce que vous en pensez, quoi, et comment on s'organise collectivement, justement, pour vivre ensemble. On permet un espace où les gens peuvent se sentir en sécurité, et ensuite on aménage pour que, justement, il puisse y avoir une porosité un petit peu entre l'intérieur et l'extérieur. Mais l'idée, elle n'est pas de gommer complètement le fait qu'ici, c'est une clinique psychiatrique. Ici, c'est une clinique psychiatrique, il y a des gens qui sont malades et qui sont hospitalisés et qui ont besoin d'être hospitalisés. Assieds-toi, Laetitia. Tu vas te laisser tenter, hein, là. Bonjour, je m'appelle Laetitia. Je suis pensionnaire à la Chenet depuis de nombreuses années. Je viens chez moi aussi. J'ai mon appartement à Blois, donc je peux y aller quand je le veux. Et je suis membre du comité d'administration du club. Donc on est 12. Moi, mon rôle, c'est la secrétaire. Donc c'est un taf quand même assez de responsabilité, j'ai envie de dire. Parce que bon, faut que je prenne bien les notes, nickel. Après, faut les reproduire dans un carnet officiel de la mairie, tamponné par la mairie, etc. Le CA du club se tient toutes les 3 semaines. Par exemple, il y a des personnes qui viennent nous faire des demandes de budget pour lancer un atelier. Ou ça peut aussi être pour remplacer du matériel défectueux. Par exemple, l'atelier musique, parce qu'on a un super atelier musique. On a une batterie, des guitares électriques, des basses, enfin, tout ce qu'il faut, quoi. Et donc, voilà, c'est pour vous dire qu'à la Chenet, on ne nous mène pas d'un point A à un point B, quoi. On est acteur de ce qui se passe ici, si on le souhaite. La Chenet est une clinique privée. Le prix d'une journée d'hospitalisation complète est de 115,11 € et est pris en charge par la Sécurité sociale. À cela s'ajoute un forfait journalier de 15 € par pensionnaire. Le plus souvent pris en charge par la mutuelle, la couverture médicale universelle ou les revenus propres, l'allocation adulte handicapé ou la famille. À la différence des hôpitaux classiques ou même des urgences psychiatriques, tout le monde est ici en hospitalisation libre et personne n'est admis en crise aiguë. La clinique de la Chenet a été créée en 1956 et le club de la Chenet, lui, a été créé en 1959. On est dans le Loir-et-Cher, à Chailles, un petit village à quelques kilomètres de Blois. À la base, ces bâtiments, c'était donc un château, et au niveau des noms des secteurs qu'on a on a repris justement les noms qui pouvaient exister. Donc il y a l'orangerie, la régie, la conciergerie, le château. Il y a même une église, enfin une petite chapelle. Donc là, comme vous pouvez le voir, il y a un très très grand parc. Et la clinique de la Chênaie est également propriétaire de pas mal d'hectares de forêt autour. Donc ce qui favorise vraiment un lieu ouvert. Et ce qui permet justement, en fait, ici, entre autres, on peut s'enorgueillir de dire qu'on essaie de soigner sans les murs. Par contre, il faut vraiment soigner l'environnement ici pour justement rester contenant. Il y a une centaine de patients hospitalisés ici en temps plein, qui vivent ici au quotidien. Et il y a également 50 patients qui sont en hôpital de jour, c'est-à-dire qui rentrent chez eux le soir, ils vivent chez eux, et reviennent pour diverses choses ici à la clinique la journée, en fonction de l'emploi du temps qui a été discuté entre eux, entre les moniteurs et les médecins. Alors ici, nous sommes dans le château. Bonjour. Par exemple, ici, c'est le secrétariat médical. Et ici même, vous avez le standard. Et de 8h à 16h, il y a un pensionnaire qui fait le standard. Et qu'on monte à l'étage ? Nous sommes au premier étage du château. Dans cette aile-là, il y a la pharmacie ainsi que des chambres, et dans l'autre aile, il n'y a que des chambres. Ici, il y a un contrat particulier qui se passe donc tous les jours. C'est le contrat ménage, c'est-à-dire que les pensionnaires qui y sont inscrits viennent participer justement au ménage de ce bâtiment avec des moniteurs. Alors ici, les soignants, on s'appelle tous moniteurs, c'est sous le terme générique, mais il peut y avoir donc des éducateurs spécialisés, des psychologues, des aides-soignants, des infirmiers, il y a une assistante sociale, il y a aussi un personnel administratif. Vous voulez nous expliquer aussi le fonctionnement ? Le fonctionnement de la Chênaie ? Oui. Il faut avoir des contrats, il faut rendre service, des ateliers, s'occuper de son hygiène. Chanter, danser, écrire. Marie-Hélène, pensionnaire à la Chênaie. Moi, j'aimais chanter, danser et faire de l'improvisation. Tiens, improvisation ou pas improviser. Improviser ou pas improviser. Vous voulez que je cherche une chanson ? Vous voulez que je cherche une chanson ? Ah, c'est une chanson de Karen Chéri. J'ai pas choisi celle-là, mais c'est une chanson de Karen Chéri qui s'appelait. Je peux enchanter Dieu ? Ah bah oui. Être aimé ou être amoureuse, ne crois pas que c'est la même chose. Je ne recherche pas l'aventure, un seul amour comblera ma vie. Mon nom idéal, après, comme une planète en fusion. Ce qui t'a payé l'addition, être aimé. Ou être amoureuse, ne crois pas que c'est la même chose. Une que j'aime aussi, c'est qu'est-ce qu'elle attend, la petite Edith Gersaza. Qu'est-ce qu'elle me veut, la ministre, avec ses yeux de. Je ne vais pas te laisser te dire par le premier mal que traite. Je ne vais pas laisser sortir cette cité car tu as comme. Un petit chat sauvage dans les yeux qui ressemble au tatouage que j'ai dans le cœur. Il n'y a pas Est-ce que tu leur as demandé pourquoi ils étaient là ? Pourquoi vous êtes là ? Ouais, excellente question. Mais justement, pour raconter un peu l'histoire de la clinique, pourquoi ce lieu il se distingue d'autres établissements aussi de soins ? Ouais, parce qu'il n'y a pas de. Il n'y a pas de porte ici. On n'est pas enfermé. Tout était ouvert. Moi, je suis arrivé en février 87, puis j'ai fait plein de voyages. Avant, j'avais un appartement. Qu'est-ce que vous voulez vous dire ? Et donc, depuis 87, vous êtes ici ? Ah, mais j'ai bougé. Je suis parti en congé, j'ai fait des voyages. En Algérie, à Châtelet-Chey, en Espagne, en Italie, à Saint-Malo, en Dordogne, à Montal. Mon père, il m'emmenait partout. Ah, qu'est-ce que vous voulez savoir d'où ? Improviser. J'improvise avec vous ? Avec qui ? Avec ça ? Et avec la poubelle ? C'est quoi ça? Et Marie-Hélène? Ah, faut pas m'improviser! Parce que là, on va y passer toute la journée. Hein. Ah, pas toute la journée! Tu es d'accord, hein, tu seras d'accord, c'est sûr. Hein. Pas toute la journée, regardez, hein! Une souris! Regardez, une tortue! Une tortue, hein! Tortue géante, les planquilles! Sous mon matelas! Oh, bah, dis-donc, qu'elle est belle la tortue, hein! Oh non! Oh, qu'est-ce qu'elle est belle la tortue! Une tortue géante! Aux îles Galapagos! À plus tard! Bonjour à tous, bienvenue dans le quatrième opus de Kaléidoscope, une émission pour en savoir plus sur l'histoire de la psychothérapie institutionnelle, un rendez-vous radiophonique mensuel que j'ai le plaisir de partager avec les pensionnaires et les soignants de la clinique de la Chênaie. Bonjour à tous. Bonjour. Studio ZEF 2019. Au niveau d'autres choses que tu aurais envie de nous dire sur tes journées à la Chênaie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Et en dehors de la chaîne. Moi, j'aime bien être prise en charge à la clinique. Quand j'arrive ici, je me sens en sécurité. En termes d'activité qui te donne du plaisir, quelque chose qui te tient à cœur, que tu aimes faire, qu'est-ce que tu pourrais nous dire ? Moi, c'est d'abord la musique, jouer du violon, un peu de piano. Le lundi, par exemple, je reçois les enfants de la crèche parentale au château d'eau pour une petite séance musicale. Je leur joue quelque chose, les fais chanter, mais je chante pas beaucoup parce qu'ils sont tout petits. Ils ont 2 ans au maximum. Et le citoyen François dans la ville ? Que dire ? Moi, de gré ou de force, je représente quelque chose. L'idée qu'il ne faut pas compter sur une baguette magique pour que le monde change. Il nous faut essayer de rester dans les problèmes de la réalité et affronter les problèmes réels. Tu veux dire par là que il faut surtout compter sur soi-même ? Non, c'est pas ça que je veux dire. Je pense que si on pouvait compter davantage sur les autres, le monde serait meilleur. Alors ça fait partie des choses magnifiques qu'on a faites à la clinique. Il y a une radio associative qui s'appelle Studio ZEF à Blois. Et bien il y a quelques années, Studio ZEF est venu à nous et on a fait toute une série sur un an. On a fait excusez-moi, là vous me prenez un peu au réveil, donc je suis pas en face des troubles. Vous aviez fait quoi, par exemple, comme émission ? Est-ce que vous vous souvenez d'un sujet ? Oui, chaque émission avait un thème, je ne m'en rappelle plus. On avait très vraisemblablement abordé le thème de la psychiatrie institutionnelle, hein, qui est propre à ce qui se passe à la Chênaie, comment la psychiatrie est pratiquée à la Chênaie. Mais pas que, il y a aussi la Borde et nos copains aussi de Sommerie. Donc on les a aussi invités à la radio, enfin nos émissions et tout. Donc le Studio ZEF, c'était vraiment génial, quoi. Parce que en fait, on avait un micro Zoom et on nous a donné le micro, on dit allez-y, enregistrez-vous les uns les autres, et c'était génial, quoi. Enfin, en tout cas, moi j'ai adoré tendre le micro à quelqu'un. Moi, j'ai appris que recueillir le témoignage de quelqu'un qui te donne sa confiance, il se livre à toi et tout, j'ai trouvé ça génial, quoi. Et vous baladiez ? Exactement, ça se faisait comme ça, un peu à l'arrache. Oh bah tiens, j'ai un micro, ça te dit de faire un petit témoignage ? Oui, oh bah non, oh bah oui, d'accord. Et il y a des gens qui se sont vraiment livrés, qui ont dit vraiment des choses hyper, hyper personnelles, quoi, sur la pathologie, quoi. Ça... Et sinon, vous n'en parliez pas forcément ? La pathologie, c'est pas forcément un sujet qui est abordé, sinon ? Vous voulez dire entre nous, dans la vie quotidienne ? Non, il y a vraiment une pudeur qui est là. Je veux dire, on dit pas, bah toi, qu'est-ce que t'as, quoi. Non, ça ne se pratique pas. C'est beaucoup trop intrusif, on n'a même pas besoin de... Si, quand on sympathise, qu'on a des copains, des copines, des amis, oui, ça peut arriver que qu'on se demande, bah, toi, qu'est-ce que t'as ? Moi, on me dit, mais pourquoi t'es là, toi ? C'est quoi ? Donc, t'as pas de problème. Non, enfin, voilà, c'est pour dire que... C'est aussi parce que, justement, on cherche à pas poser un diagnostic ou une façon d'être des gens, justement. On favorise la rencontre et on favorise rencontrer ce que l'autre est. Et donc, on va pas venir dire « moi, je suis schizophrène » ou « moi, je suis ceci, je suis cela ». Justement, c'est finalement pas très, très intéressant. Il n'y a pas cette idée de venir se poser comme une identité de malade, mais plutôt comme une identité de tout court. Voilà. Par exemple, ici, on garde ses effets personnels, dont ses papiers d'identité, justement. Ben non, j'ai dit non. Non, ici, à l'entrée, et ça fait justement partie d'une forme de restriction de liberté, à l'entrée, on récupère les papiers des gens pour pas que les gens perdent leurs papiers. En fait, je pense que la restriction de liberté, l'important, c'est de toujours en avoir conscience et d'être dans cette empathie aussi, de savoir que, attention, en fait, si moi j'étais à cette place-là, qu'est-ce que ça viendrait me faire ? Laetitia, vous vouliez réagir sur ce sujet aussi. Moi, j'avais envie de parler de la parité. À la Chênaie, moi, ce que j'ai appris et ce que je trouve formidable, c'est que la parole d'un patient, d'un pensionnaire, vaut la parole d'un soignant. On est vraiment sur le même terrain d'égalité. Par exemple, les repas, on mange ensemble, les tables de 6. On se mélange, on mange avec les psychiatres, on mange avec... voilà, on est vraiment mélangés. C'est ça aussi pour moi. Moi, je vois la parité aussi comme ça. Vous avez remarqué qu'il n'y a pas de blouse blanche ici. Ça fait aussi partie de le fait qu'on mette les gens sur le même plan, quoi. La psychiatrie classique, on sait ce que c'est. Cela consiste, dans les cas jugés graves, à tenir le malade enfermé dans un établissement de soins et, une fois là, à travailler à sa guérison dans la mesure où cela est jugé possible. L'antipsychiatrie, née récemment, s'insurge, elle, contre le système de ségrégation et de contraintes exercées sur le malade mental. Des mouvements encore plus récents, comme le groupe d'information sur les asiles, mettent en cause l'existence même du médecin psychiatre. Ils rendent responsable des troubles mentaux la société. Pour eux, le malade ne doit être traité que par ses pairs. Nous ne prenons pas parti. Ni psychiatrie, ni antipsychiatrie, nous voulons montrer ce qu'est un exemple de ce qu'on appelle la psychiatrie institutionnelle. Le point du 7e jour, une maison sans clôture, la clinique de Laborde. France Culture, 1974. À l'orée de la Sologne, à quelques kilomètres du château de Chambord, des environs boisés gardent de la foule une bâtisse du style château banal du tournant du siècle, avec laquelle voisinent des bâtiments de l'allure la plus commune. Entre qui veut, l'entrée n'est pas fermée. À l'intérieur, un va-et-vient de gens, entre lesquels il est impossible de distinguer le patron de l'employé d'administration et l'infirmier du pensionnaire. Du reste, ici, il n'y a pas d'infirmier, il y a des moniteurs. Et le directeur, qui est médecin, on ne l'appelle pas monsieur le directeur, on ne l'appelle pas docteur, on l'appelle tout simplement Ouri, parce que c'est son nom de famille. Le principe, d'abord, c'est pas un principe très très original à Laborde, est l'application, disons, de toute une doctrine qui est née ailleurs, en particulier en France, à l'hôpital de Saint-Alban, pendant l'occupation et la libération. Or, le principe, c'est d'humaniser au maximum la vie à l'intérieur de l'hôpital, d'une part, pour mettre les gens dans une situation bien plus personnelle, pour les personnaliser, et pour essayer de voir avec eux quels étaient leurs problèmes, aussi bien pour l'avenir que pour la vie quotidienne. On pourrait dire que ce qu'on veut mettre en place, c'est surtout lutter contre une ségrégation. La ségrégation de l'hôpital lui-même vis-à-vis de la société, mais surtout lutter contre la ségrégation intérieure, c'est-à-dire de tous les systèmes qui se développent, qui cloisonnent l'espace hospitalier, dans le sens traditionnel du terme, quoi. Par exemple, dans un hôpital, si c'est plus vaste qu'ici, on a toujours lutté pour essayer de supprimer, par exemple, les quartiers d'agités, les quartiers de gâteux, etc., qui sont vraiment le fléau de la vie, disons, asilaire. Pour comprendre peut-être ce qu'est la psychothérapie institutionnelle, Est-ce que vous voulez bien nous rappeler le contexte de sa naissance, de son émergence en France ? Alors, c'est un mouvement réformateur et progressiste de la psychiatrie qui est apparu... Gwenvael Laurer, d'abord, moniteur. Pendant la Seconde Guerre mondiale, à Saint-Alban, donc un hôpital à l'écart où François Toscaïès a exercé pendant la Seconde Guerre mondiale et a participé à tout un renouveau de la manière de pratiquer la psychiatrie pour humaniser les soins. Depuis un siècle, il y avait le système asilaire qui était en vigueur, qui était très solide sur le plan légal, et avant-guerre, les psychiatres n'avaient pas réussi à le réformer. Il y a eu des tentatives, mais qui n'ont pas été abouties. Et de ce scandale-là, d'une surpopulation, on est passé d'une vingtaine de milliers de personnes en 1838, quand la loi a été passée, et en 1939, on était à 110 000 personnes dans les asiles, un asile par département, avec vraiment une surpopulation importante. Et pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu un autre phénomène, c'est une famine dans les hôpitaux, par privation, avec les tickets de rationnement, etc. Et donc, on a perdu, dans les hôpitaux psychiatriques, entre 35, 37 000 personnes qui sont mortes spécifiquement liées à la faim. Séraphine de Senlis, par exemple, qui est une artiste qui est décédée pendant cette période-là. Donc c'est vraiment quelque chose qui a marqué toute la génération des jeunes psychiatres. Donc quand on parle de Toscaïès, puis Houry, Lucien Bonafé, Louis Le Guillan, Henriet, etc., toute cette génération-là était marquée par ce scandale-là. Paul Civadon avait sa sœur qui revenait des camps de concentration et il a été frappé de voir qu'elle était dans le même état que ses propres patients. Ça a été un scandale pour lui. Il s'est révolté, il a voulu... Ça a été un des premiers à ouvrir, après Saint-Alban, à Villévrard, des clubs thérapeutiques. Une des premières choses qui a été faite à Saint-Alban, ça a été de couper les barreaux, de remplir les seaux de loup, d'abattre les murs, de décider quelle cloison on allait abattre pour que la circulation soit possible. La psychothérapie institutionnelle qui date justement de cette époque-là. Jean Houry sur France Culture en 1974. A essayé de montrer dans les faits que l'agitation, le gâtisme ou la fureur, etc., quoi, sont des tableaux morbides qui sont souvent provoqués inconsciemment, par les dispositions aussi bien architecturales que les préjugés du personnel et la façon d'aborder, disons, ce genre de personnes que sont les malades mentaux. Est-ce qu'on peut appeler dans une autre catégorie, disons, l'hospitalisme, par exemple, mais quelque chose de bien plus, disons, la pathologie asilaire, quoi, qui résulte d'un mode de vie particulier, de contention, de non-liberté. Et la particularité de la clinique de la Borde et de la Chênaie, c'était que en choisissant dans le Loir-et-Cher des châteaux de la Loire, les médecins directeurs, fondateurs, ont choisi des établissements qui n'étaient pas marqués par le passé asilaire. Et le fait de s'installer dans des châteaux de la Loire, sans murs, avec un château qui avait des fonctions différentes, ça a permis d'aller plus vite sur ce contre-pied-là, de pouvoir mettre en œuvre une psychiatrie vraiment différente en allant avec un petit coup d'accélérateur par rapport aux autres. Cette formule, donc soigner l'institution, on l'attribue à Jean Houry et même une formule un peu emblématique de la psychothérapie institutionnelle. Mais qu'est-ce que ça veut dire en fait ? La psychothérapie institutionnelle accorde effectivement beaucoup d'importance au fait de soigner l'institution, tout simplement pour avoir un lieu de travail, un hôpital, un dispositif de soins qui se donne les moyens d'être soignant avec tout le monde et où les pensionnaires pourront être co-soignants entre eux. Et le dispositif, le fait de faire des choses ensemble, dans différentes scènes, va donner des occasions de s'entraider, d'interagir, et vraiment de faire un pas de côté par rapport aux hiérarchies habituelles, par rapport à l'asymétrie qu'on peut avoir fréquemment entre soignants et soignés, pour être sur d'autres registres. On est à peu près 11. C'est mélangé avec la viande. Tout est mélangé avec la viande. France Culture, sur les docks, 2014. La volonté d'Houry, c'est que ici, la cuisine, c'est toujours la volonté que ce soit un lieu ouvert et où tout le monde puisse circuler. Et ça, les services vétérinaires, ils n'acceptent plus. Quoi. C'est pas une émission à la radio qui va le changer. Hein. Restez un peu avec nous pour faire la révolution. Restez un peu avec nous. Thank you. C'est avec Félix qu'on a créé toute une grille pour éviter le cloisonnement. C'est pour le jardin. On a créé ce qu'on appelle des roulements. Vous êtes combien au jardin ? Ah, ça te regarde pas. Pour pas que les gens s'enferment dans leurs tâches. J'ai compté pour 12. breathe. You are alive. Stillness is not the enemy. It's the only balm. J'ai 35 ans, je suis arrivée à la Chênaie depuis 3 mois et demi maintenant. Eugénie, pensionnaire à la Chênaie. Et en fait, ici, c'est vraiment le collectif avant l'individuel. Moi, en fait, ce qui me faisait peur, c'est marrant, hein, mais en venant à la Chênaie, j'avais très peur du collectif, du vivre ensemble, de partager ma chambre même, ça m'était vraiment difficile. Par exemple, ici, on se découvre vachement. Et moi, j'ai découvert que j'adorais servir au bar, j'adorais accueillir, guider. Par exemple, je fais le standard aussi. Parce qu'ici, on a des petits contrats pour participer à la collectivité. Et sans les patients, ça pourrait pas fonctionner. Enfin, c'est vraiment donnant-donnant et c'est cool, quoi. Même à travers les ateliers. Par exemple, il y a de l'écriture, il y a de la poterie, enfin, il y a plein de choses. Et ensuite, ça fait tellement de bien. Être au milieu de rien, puis sentir la forêt, ressentir. Ici, par exemple, il y a un atelier jardin, espace vert, tout ça. Enfin, mettre les mains dans la terre, ça fait du bien aussi, quoi. C'est pas que la maladie. Il y a aussi la vie à côté, il y a plein de vie ici. Vous avez eu l'expérience d'autres établissements où ça se passait différemment ? Ouais. En fait, mon parcours, moi, il est un peu chaotique. J'ai 35 ans, je suis dans le parcours psychiatrique depuis mes 17 ans. En fait, à 17 ans, j'avais des troubles alimentaires suite à une agression sexuelle. Enfin bref, j'ai commencé très vite à avoir des dépendances. Je suis vraiment addict, une personne addict. Autant la bouffe que les achats compulsifs, que les drogues, que l'alcool. J'ai expérimenté l'HP classique, évidemment. Les urgences, on les compte plus. J'ai fait post-cure, cure, foyer thérapeutique, accueil familial thérapeutique, appartement thérapeutique. Enfin, moi, j'ai connu les champs d'isolement, les trucs vraiment presque humiliants, violents. C'est punitif, c'est culpabilisant. Moi, j'ai vécu des trucs assez maltraitants en hospitalisation classique. Et puis ici, ce que je trouve génial, c'est qu'au moindre... Il y a un numéro d'urgence, et au moindre pépin, au moindre souci, au moindre, la moindre question, la moindre chose qu'on n'a pas compris, tout ça, on peut le solliciter, et au moindre si besoin, il y a un dialogue qui se crée. C'est pas tu prends ton cachet, tu te démerdes avec ton angoisse. On va essayer de faire un tour, parfois on peut même se passer du cachet, parce que le dialogue suffit. Quand je suis arrivée, j'appelais tout le temps le numéro d'urgence, tout le temps. Ça allait pas matin, après-midi. Et à un moment, je me suis mis en tête qu'on allait me virer parce que on allait me dire ici c'est pas assez contenant, vous êtes trop en crise. Et j'étais terrifiée qu'on me vire parce que je demandais trop d'attention. Et en fait, il y a une monitrice qui m'a dit mais attendez, vous croyez qu'on vire les gens parce que vous demandez de l'aide ? Bah non. Et ça m'a tellement fait de bien. Et à partir de ce moment-là, ce qui est drôle, c'est que j'ai espacé mes appels. Parce que je sentais qu'on était là et qu'on n'allait pas m'abandonner. Est-ce que ce qu'il y a peut-être ici, c'est aussi du temps ? Ouais, le temps. Le temps, c'est vraiment... Les moniteurs le prennent, le temps. Et ici, c'est quand même un peu une parenthèse. Moi, j'ai un carnet de bord dans ma chambre où j'écris des phrases au détour d'une conversation, ce que je vis en thérapie... En fait, je veux absolument m'y tenir parce que je veux savoir d'où je viens. L'écriture, ça a toujours été important pour moi. C'est une solution aussi, une alternative à la violence que j'avais en moi. Ça me sauve, en fait. De mes angoisses, voilà. Au début, je relisais, puis je me disais, mais mince, ma vie, c'est horrible et tout, c'est trop triste. Parce que j'écrivais que quand ça n'allait pas. Parce que quand ça va pas, on a des tonnes de choses à écrire. Et maintenant, je m'oblige, même quand ça va, et j'ai moins l'impression d'avoir une vie misérable. Et qu'est-ce que vous envisagez pour après la Chênaie ? Après la Chênaie, mon rêve, c'est d'être père aidante. Et donc, en fait, en gros, je sais pas si tout le monde sait ce que c'est, mais c'est ou patient expert aussi, c'est appelé aussi comme ça. C'est d'anciens... des patients qui sont en résilience ou qui sont complètement stables, voilà, qui aident d'autres patients qui ont vécu soit la même chose, soit d'autres choses, mais en tout cas, d'avoir ce vécu expérientiel nous permet d'être à l'écoute et d'entendre et de comprendre et d'être sensibilisé à la santé mentale. J'ai vraiment cette envie-là de redistribuer un peu ce que j'ai reçu, moi. Sont-ils absents ? Michel Foucault. Ces gens qui, par milliers, France Inter, ont été bel et bien enfermés, 1975, sont tombés dans le trou, ils ont souffert, ils ont parlé, ils ont crié, ils ont gueulé. J'ai connu ce que c'était qu'un asile, j'ai entendu ces voix-là, et j'ai été, je crois, comme quiconque, bouleversé par ces voix. Je dis quiconque, j'allais dire, à l'exception des médecins. Je veux dire que leur fonctionnement statutaire filtre tellement ce qu'il peut y avoir de cri dans la parole d'un fou qu'ils n'entendent plus. La forme cri leur est devenue inaccessible par le filtre précisément de leur savoir institué. C'était Les Murs érigés avec Zig Blanquer, Eugénie, Camille, Elisa Rojas, Antoine Capet, Mouloud, Messi et leurs camarades de l'IME, Robert Doinon, Si Young, Christine, Jean Gaillot, Laetitia, Marie-Hélène et Gwenvaël Laurer. Prise de son, Olivia Branger, Nicolas Mathias, Patrick Muller, Alexandra Bergel et Bruno Mourlan. Mixage, Claude Niort. Archivina, Delphine Desbiens. Documentation Radio France, Antoine Vuillose, Annelise Signoret. Attachée de production, Marie-Vonne Abolivier et Anaïs Morales. Coordination, Perrine Carvon. Merci à Rizzo Borin pour ses conseils et son écoute critique. Handicap, la hiérarchie des vies, une série documentaire de Clément Salzar réalisée par Assia Khalid.